En Corée, le palais des enfants Bilri pour apprendre vient d'être réaménagé à la ville d'Okange, province du Zagang. Le palais est doté d'une trentaine de salles de cercle, d'un gymnase multifonctionnel, y compris le spectacle artistique et d'autres conditions et ambiances nécessaires à l'éducation extrascolaire des enfants. Le service d'inauguration a eu lieu le 8. L'orateur y a parlé des exploits de direction des grands leaders et des mesures prises par le camarade Kim Jong-un pour moderniser le palais au niveau suprême.